Ça fait mal de faire le bien, mais ça fait du bien de faire le mal. Tu ne vois pas, mais tu nages dans un verre de sky. À quoi bon chercher de quel côté vient le vent? La tempête est gigantesque, on a la gueule en plein dedans. Sans cesse, omniprésente autour de moi, cette senteur maléfique qui planifie son jour de gloire. Sache qu'elle ne vient ni d'en haut ni d'en bas. L'être humain, la créa, marchera avec et puis ton bras. C'est elle qui t'emmène au charbon, c'est elle qui fabrique des armes, des fusées, pendant que certains chinent pour des baskets usées. C'est elle qui peut t'enculer par derrière. Escroquerie financière, c'est mieux que vie pénitentiaire. Peu importe d'où elle vient, elle est toujours bonne à prendre. L'État veut me faire croire que celle que je gagne est délinquante, que la leur est propre. Ils ont cru que j'allais marcher à leur histoire plus incroyable qu'un muet en train de parler. Je renifle ce qui vient, je me sens mal quand je suis en chien. On est comme des junkies, on est accro mais on a rien. On sent ce qu'il y a à sentir, on prend ce qu'il y a à prendre. Même ceux qui font des études pensent à pas gaver la banque. Vous croyez-tu que ton bénéf allait aller? L'économie a fait que tu te retrouves face à la BAC. Je ne sais pas où se trouve le bon côté de la barrière. Crois-moi s'il existe, celui qui l'a trouvé ne fait pas carrière. Alors désormais, tu connais mon point de vue. Je ne suis pas homosexuel mais pourtant j'en ai plein le cul. Tout le monde tremperait ses mains pour pouvoir prendre de la hauteur. Si mon récit est vrai, alors l'argent n'a pas d'odeur. Quelle est cette odeur qui m'attire, qui me donne envie de partir, qui me fait souffrir le martyr? Comment celle qui ne n'est pas propre pourrait se salir? Cette douce odeur de mort à laquelle on ne trouve rien à redire. Quelle est cette odeur qui m'attire, qui me donne envie de partir, qui me fait souffrir le martyr? Comment celle qui ne n'est pas propre pourrait se salir? Cette douce odeur de mort à laquelle on ne trouve rien à redire. Quelle est cette odeur qui m'attire, qui me donne envie de partir, qui me fait souffrir le martyr? Comment celle qui ne n'est pas propre pourrait se salir? Cette douce odeur de mort à laquelle on ne trouve rien à redire. Cette odeur qui m'attire, qui m'attire.